Demande turquoise, par Claude Fay. Marie-France savait tout pour être heureuse. Il ne lui manquait que la parole. Justement, elle avait celle d'un élu qui lui avait assuré que la mairie à nouveau embaucherait des jeunes. Cet emploi de surveillant de baignade, c'était exactement ce qu'il lui fallait chaque été pour payer ses études. Mais la lettre de motivation ne suffisait plus, il fallait adresser une demande. Le jour venu, une des secrétaires eut l'amabilité de l'accompagner pour frapper à la bonne porte et lui glissa en l'ouvrant « Bon courage !» Marie-France entra dans une grande salle où étaient entreposés des surplus de tables et de chaises. Au fond, trois sièges disposés en cercle formaient un espace de convivialité. Un couple de vieilles marionnettes lui fit signe de s'approcher. Elle s'avança avec l'aisance d'une sportive. L'homme et la femme se levèrent mollement, avant de retomber dans leur fauteuil avec des gestes compliqués. Mais lorsqu'ils cessèrent de bouger, progressivement, en se stabilisant, ils prirent des mines, lui d'un homme inspiré, elle d'une femme bouleversante d'humanité. Un silence s'installa, pendant lequel la jeune fille se demanda à quoi pouvait bien correspondre ce qu'elle voyait. Elle hochait poliment la tête dans l'attente des présentations. Quelques minutes plus tard, elle secouait toujours la tête dans l'attente des présentations. Elle toussa légèrement, comme on le fait pour s'éclaircir la voix, ce qui eut pour effet de lever un des sourcils de la muse. L'homme, lui, gardait les yeux clos, le visage offert à la contemplation. Marie-France ne bougeait plus, vaguement inquiète. Une mouche était dans la pièce. Est-ce qu'elles étaient entrées en même temps? Impossible de le dire, en tout cas bruyamment, la bête zigzaguait et s'adonnait de la vie. Au bout d'un certain temps, elle coupa le moteur pour se poser sur le nez du monsieur. Ceci provoqua un effet. « Piscine !» dit la femme automate, d'un ton agacé en chassant l'insecte. Habituée au démarrage des courses, Marie-France, qui était restée debout, plongea dans sa présentation. Elle déclina son nom, ses diplômes, son intérêt pour la surveillance et constata rapidement qu'il n'y avait aucun retour, pas même un regard, un mouvement de tête. C'était un mur lisse. Il ne l'arrêterait pas. Elle décrivit ce qui l'avait amené à passer de la compétition à l'entraînement des autres jeunes. Puis elle poursuivit sur la nécessité de se former au protocole de sécurité et de sauvetage. L'homme n'ouvrait toujours pas les yeux. Sa comparse se tenait droite, parfaitement fermée. « Il faut que j'y arrive !» se disait la jeune fille qui pensait à contrôler son débit, tout en s'efforçant de rester concentrée. Elle énuméra les principales causes de noyade, les illustra par quelques actions de secours qu'elle avait mises en œuvre l'été dernier. Pour exemple, elle rapporta comment elle était allée chercher un enfant qui faisait une crise d'épilepsie et détailla les soins qui lui avaient été prodigués. Pendant ce récit, elle vit le bonhomme accrocher sa collègue par le cou et rouler ses gros yeux d'un bout à l'autre de la pièce. La femme fit signe qu'elle avait compris et, se tournant vers Marie-France, l'interrogea. « Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une crise d'épilepsie est une crise d'épilepsie ?»« L'avis du médecin, » répondit la jeune fille sans hésitation. L'homme tourna les bras comme un moulin qui va trop vite. Avec les mains tendues et les doigts collés, il mimait quelque chose qui l'indignait et l'obligeait à se ventiler. « Je suis d'accord. Quel est le sujet de sa demande ? On ne l'entend pas, » pouffa la dame. « L'enfant a été sauvé. La prise en charge s'est bien passée, » bafouilla la sportive, un peu gênée par cet effort de justification. Elle avait besoin de ce travail. Que pouvait-elle dire pour les convaincre ? Elle ne comprenait rien à cette demande d'expliquer sa demande. Elle se remit à parler et la mouche courageuse reprit son vol. Cependant, il ne lui échappait pas que pour elles deux, il y avait risque. Il était imprudent de contredire ces vieilles poupées et impossible de ne pas le faire pour rester dans la cohérence. Marie-France évoqua les législations qui encadrent la surveillance de baignade. L'homme, la tête retombée sur le ventre, se mit à ronfler, tandis que les yeux morts de sa collègue se figeaient. « Je vais essayer d'aborder quelque chose de moins ardu avec des exemples moins dramatiques, » se dit la nageuse, et elle fit une petite pirouette de langage qui lui permit de bifurquer et de préciser le type de coaching sportif qu'elle savait faire avec différents publics. Mais du point de vue relationnel qui l'occupait ici, l'événement le plus frappant était, bien sûr, ce silence. L'avait-elle provoqué ? Tout en poursuivant son propos, le plus distinctement possible, Elle pensait que c'était cuit. Tout à coup, la femme frappa dans ses mains et lança d'une voix glaciale et dégoûtée « Parlez de votre désir !»« Je désire travailler cet été, » répondit aimablement l'étudiante. « Non, pas ça, parlez de votre désir. Pourquoi la piscine, la piscine ?» Il n'échappait pas à la jeune fille que la situation se dégradait encore. Elle respirait court. Les problèmes retenaient maintenant toute son attention. Si cet entretien se terminait mal, comment paierait-elle son loyer, ses frais d'inscription, ses livres, ses forfaits? En tapant du plat de la main sur la table, la vieille femme réitéra sa demande. Cette claque fit sursauter l'homme qui se redressa tout à coup avec la mine convaincue. Mais convaincue de quoi? Marie-France ne savait plus que dire. Elle s'imagina à la piscine, et ce qui lui vint, ce fut la couleur, l'odeur, mais surtout la couleur, les cris d'enfant aussi. Sur le ton le plus obligeant possible, elle dit « J'aime bien les piscines, la couleur turquoise des piscines. » L'homme qui se mit debout était maintenant un éminent professeur, épelant avec grandiloquence ce qu'il fallait entendre. « Turquoiseux !» Il s'époumonnait comme s'il inhalait son plaisir toxique. « Est-ce que vous entendez? Non seulement vous n'avez pas de demande, mais en plus, vous vous permettez d'injurier une autre culture. « Ah mais si, je postule pour l'emploi de surveillante de baignade. » Mais nous n'entendons pas ça. Je veux bien vous le redire, mais puisque l'on vous dit qu'on n'entend pas votre demande. Et qu'est-ce que c'est que de s'en prendre à une autre culture? Je dirais même, pourquoi s'en prendre à une autre culture en notre présence? C'est quoi le projet à la fin? Vous êtes contre le sujet universel? C'est ça votre demande? Marie-France était penchée en avant. On aurait pu croire qu'elle regardait ses chaussures. En fait, en réfléchissant, elle cherchait son amie la mouche qu'elle avait cru voir se poser. Elle pensait qu'elle pourrait dire qu'elle n'aimait pas uniquement la couleur turquoise, que pour parler de son bien-être à la piscine, elle aurait pu évoquer tout autre chose, le plaisir de transmettre, par exemple. Mais elle avait l'intime conviction qu'il valait mieux qu'elle se taise, quand la porte au fond de la salle s'ouvrit. C'était Georges, un bon copain de lycée, le fils du député de la circonscription. Il circulait en sifflotant et, une fois près d'eux, demanda si quelqu'un avait vu le maire. Il le cherchait. Marie-France ne bougea pas. Elle n'appartenait pas à la jeunesse dorée qui peut se permettre d'être intempestive en toute occasion. Quand il la reconnut, le bel athlète se laissa aller à sa surprise. « Ah, tu fais ta demande pour la piscine. Ils t'ont dit que tu commences le 1er juillet. C'est noté sur le planning à côté. » Il se tourna vers les barbons et, attrapant gaiement Marie-France par le bras, les apostropha. Elle peut venir boire un café avec moi, c'est possible? Vous aviez fini? La jeune fille, intimidée, résista un peu jusqu'à ce qu'elle entende l'homme et la femme dire, en chœur, et vraiment très gracieusement, « Mais bien sûr, monsieur Georges, à votre service. » Ainsi s'achève « Demande turquoise » par Claude Fée.